T'aurais pas un truc à tester, man? Ouais, tout à l'heure. Tout à l'heure? Et t'aurais pas un truc à tester? Putain, c'est même pas 9h et tu viens nous taxer de la dent? Allez, casse-toi, fais pas chier! Creux. Dis-moi le gros chaud, c'est pas faux. Sous ma mère, on dit pas ce qu'on n'a pas fait. Ici, les bœufs descendent en pas feu. Pas de bol, rien sous l'arrêt, donc j'ai pas fui. On connaît le campus, le charbon, le plein phare. On connaît les chasses, les doigts d'honneur en pleine fuite. Le gérant arrive, le sac rempli. Dans ton gros, y'a pas de poche, t'as rentré. Fais les deux cons, les billets, ça rempile. Aide tout seul, gros, quand tu pars en trou. Ici, le coup d'envoi démarre rapide. Cagoule est possible que le marchand trouve. Viens faire un tour bien loin du paradis. Le stun t'a l'air, j'crois que les bleus marchands trouvent. J'pense à maman d'au rejeta. Quand tu sors, fais ton yébaf, t'arraches tout. Pour l'instant, fais ta neupé, gros, reste calme. On se verra plus tard, tu t'arraches tout. Tiens bon, ma caille. On vend gros, c'est le monopole. Les junkies, j'manipule sur le tel mini pile. Mon pote, si c'est miné kill, j'vous bais, j'm'ennuie plus. Chargé, j'ai mis les piles. Regarde combien finissent par serrer. Pour un cage, à taper des bons par serrer. Donc la police commence par semer. Moi je veux pas les rejoindre, j'y passe rien. Le client se fait baiser, c'est la loi.